Pendant la classique de volleyball Jeanne Larouche Family Prix de Normandin, votre magasin IGA Denis Cloutier de Normandin vous offre des spéciaux imbattables. Cette semaine, le café Maxwell House à 5,99$, le melon d'eau à 3,99$, le beurre de marque Compliment à 3,33$. IGA Denis Cloutier, 1130 Saint-Cyril Normandin, 418-274-2009. Toute notre équipe souhaite un franc succès aux équipes qui participent à la classique de volleyball Jeanne Larouche Family Prix à la Chute à l'Ours et remercie les organisateurs qui se donnent corps et âme pour en faire un événement majeur pour Normandin. Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Du 11 au 13 août 2017 aura lieu la 16e classique de volleyball de plage Family Prix Jeanne Larouche au site touristique de la Chute à l'Ours à Normandin. En mon nom et celui de mon conseil de ville, j'invite toute la population et les gens de la région à venir en grand nombre encourager nos joueurs de volleyball dans une compétition des plus relevées. Félicitations aux organisateurs et aux joueurs pour ce grand événement sportif qui aura lieu à Normandin. Caouette, Thériault et Associés, concessionnaires des greffes de Marcel Leblanc, André Gendron et Daniel Fortin, profitent de l'occasion pour vous souhaiter un bel été. Que ce soit pour vos besoins en arpentage, cadastre, certificat de localisation ou autre, communiquez avec Caouette, Thériault et Associés au 418-276-2478. Caouette, Thériault et Associés, 1660 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini. Monsieur Henri-Paul Caouette souhaite la meilleure des chances à l'organisation de la classique de volleyball Jeanne Larouche Family Prix, qui se tiendra en fin de semaine à la Chute à l'Ours. On va parler de patinage de vitesse sur courte piste. C'est les qualifications olympiques en fin de semaine. Et évidemment, pour déterminer qui va faire partie de l'équipe canadienne en vue des Jeux olympiques de Pyeongchang, qui va revenir en février. Et c'est probablement ses derniers Jeux olympiques, et c'est probablement sa dernière année, c'est Marianne Saint-Gelais. Salut Marianne! Salut! Marianne, passez un bel été d'abord! Oui, un bel été, on s'est entraîné fort, mais là, bientôt, on va connaître le dénouement de cet été-là. Là. OK. C'est-tu différent une année olympique qu'une année normale? Oui, c'est différent, ben, sur plusieurs points. Tu sais, tu l'as dit, déjà, notre saison commence très tôt en nous avec les sélections, mais c'est la première étape de plusieurs étapes. Par la suite, quand l'équipe olympique est sélectionnée, ils quittent pour quatre Coupes du monde qui servent de qualification olympique. Okay. Donc, c'est là où on va vraiment savoir combien de patineurs on peut avoir dans chaque distance, donc des compétitions qui sont si importantes. Puis après ça, vient les Olympiques en février, mais aussi les championnats du monde en mars. Donc, ouais. C'est une grosse saison. Puis pour les entraîneurs, c'est tout ça fait pour faire en sorte que chaque athlète vraiment là performe à ces moments-là. T'sais. OK, OK. Marianne, on se rappelle des Jeux de Sochi, ça avait été un épisode quand même difficile. Pour moi, l'épisode la plus difficile de ta carrière. Comment, j'imagine qu'on est gonflé à bloc pour faire oublier ces Jeux olympiques-là? Ben en fait, j'ai l'impression que je suis plus prête que jamais avec justement ce qui s'est passé à Sochi. J'avais besoin d'une expérience comme ça, tu sais, avec ce qui s'était passé à Vancouver. Moi, je flottais sur un nuage. Je savais pas qu'est-ce que c'était vraiment une expérience olympique jusqu'à ce que je le vive à Sochi, tu sais. Oui, je peux pas dire que ça va pas se réarriver parce que bon, je connais pas mon destin, mais je suis confiante. Maintenant, je sais que j'ai les outils, je suis mieux outillée, je sais comment mieux réagir face à beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est certain que comme tu l'as dit, ça risque d'être ma dernière expérience olympique, donc je ne peux rien laisser au hasard, puis je veux surtout rien regretter. Là. OK. Est-ce que la compétition est plus forte qu'à Sochi? Les Chinoises, des Coréennes et même des Américaines? Ben c'est différent. C'est sûr que les Chinoises, les Coréennes restent toujours une distance, peu importe l'année, peu importe qui va être sur l'équipe nationale, ils sont toujours très, très puissants. C'est sûr qu'on a certains garçons qui sortent un peu du lot dans différents pays. Je pense à Elise qui vient de la Grande-Bretagne, ouais. Puis Ariana Fontana qui vient d'Italie. Il y en a tranquillement pas vite aussi des athlètes qui vont un petit peu sortir comme ça, qui vont émerger. Mais tu sais, aux Olympiques aussi, on a souvent des surprises. Il y a des gens qu'on n'a jamais vraiment vu dans notre rétroviseur, puis finalement, ben, ils sont plus proches qu'on pense. Fait que c'est aussi une surprise. Fait que nous, on essaie de se préparer le mieux qu'on peut, puis on veut pas se faire surprendre non plus, mais dans le fond, pour être certain, on se prépare au maximum, on ne regrette rien, puis comme ça, ben, on va jouer notre jeu, puis c'est comme ça, tu sais. OK, OK. Là, la préparation, c'est fait, et ainsi de suite. Là, il y a quand même une athlète qui est partie, qui joue un grand rôle l'an passé, que t'étais vraiment, tu t'adonnais vraiment bien, qui a annoncé sa retraite cet été, c'est Marie-Ève Drolet. Marie-Ève veut pas, elle avait un leadership sur l'équipe. Est-ce que ça peut déranger l'équipe canadienne? Ah ben moi je pense que oui, puis j'étais la première. Moi, ouais. Je trouvais ça extrêmement difficile quand Marie-Ève est partie. Puis encore maintenant, je trouve ça difficile parce que c'était mon quotidien. Marie-Ève, c'était plus qu'une amie, là, c'était une sœur. Ouais. On était très très proches. On partageait notre quotidien. On partageait nos vies personnelles aussi. Fait que tu sais, c'était plus qu'une coéquipière, Marie-Ève. Puis c'est une des rares coéquipières que j'ai connues dans ma carrière où on était honnêtement heureuses des victoires et aussi de l'une et l'autre. Puis ça, c'est très précieux au sein d'une équipe. Ça arrive pas souvent. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'envie. Mais Marie-Ève et moi, c'était vraiment pas ça. Ouais. Mais oui, Marie-Ève, c'est un leader silencieux. C'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, c'était pas quelqu'un qui s'affirmait beaucoup. Mais juste par sa présence, on sentait qu'elle était là pour nous. Puis c'était vraiment comme une maman. Je pense que la plupart des filles la voyaient vraiment comme une maman, une épaule, une confidente. Puis ce rôle-là, ben, il ne sera pas comblé. Il a été remplacé par autre chose parce que ouais. L'équipe a avancé quand même, puis on se doit de quand même avancer. Mais ce rôle-là ne sera pas comblé parce que même moi, je peux pas combler ce rôle-là. J'ai pas la personnalité à Marie-Ève, puis j'ai surtout pas son expérience non plus et son vécu. OK, OK. Là, l'équipe canadienne va ressembler à quoi? Il y a toi, il y a Valérie Maltin. Normalement, Cassandra devrait être là. Kim Boutin aussi devrait être là également. Donc, est-ce qu'il reste de la place pour une personne qui pourrait arriver de nulle part puis bien performer, puis faire partie de l'équipe canadienne? Ah, moi, je veux pas me prononcer. Ouais, OK, ouais, OK. Je veux pas porter malheur à personne, mais... Il reste de la place, ce que hein? Je peux avancer, par contre, c'est que... ben oui, puis l'équipe est pas faite, puis on a un top 6 que ça va être serré, puis on est 5 filles à l'Aux Olympiques, donc c'est certain que ça va être plus serré qu'on pense. Ce qui risque de jouer contre certaines filles ou contre qui vont les avantager, c'est que le processus est sur 5 jours. Okay. Donc oui, ils peuvent avoir des bonnes courses en fin de semaine, mais ça s'échelonne juste prochaine, donc c'est un peu ça qui peut soit jouer contre elles ou les favoriser. Oui, tu l'as dit, Valérie Maltin et moi, par exemple, on est les seuls à avoir d'expérience olympique au sein de ce truc-là. Les filles, de tous les filles qui vont patiner les essais olympiques, on est les deux seuls à avoir fait les olympiques, donc c'est assez exceptionnel, honnêtement, là, moi, ouais. J'ai jamais vu ça, là. Puis on parle ici de gens qui ont 1 à 0 expérience d'essais olympiques aussi. Fait que moi, j'ai jamais vu ça au sein d'une équipe nationale, là. C'est une équipe qui est jeune, qui est plein d'énergie, qui veut avancer. Fait que j'espère au moins que Valérie montre là parce que c'est toujours bon d'avoir de l'expérience au sein d'une équipe olympique. Ben normalement, Marianne, je ne verrais pas pourquoi tu sais voir là. Moi pis toi, là. Mais bon, dis-moi, du coup, Pyeongchang, c'est-tu une patinoire qui te favorise? Une patinoire rapide? Ben moi, je l'ai aimé quand on y était l'année passée, mais si en même temps, écoute, on est allé 1 an avant les Jeux, puis il y a tellement de choses qui peuvent changer. Mais j'aimais, oui, comment c'était fait. C'est la glace, c'était quand même... Moi, je l'aimais. T'sais, c'est sûr que c'est pas des glaces à laquelle on est toujours habitué, puis c'est sûr qu'ils font des efforts pour amener ça à un autre niveau, mais tu sais, des fois, ça fonctionne plus ou moins. Mais les fois, l'année passée, c'était pas si mal. Mais c'est en même temps, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on apprenne à pivoter sur le moment. Puis, comme je te dis, ça va changer. Il y a plein de choses qu'on a vues il y a un an qui sont pas les mêmes, qui vont changer. Fait que ça va être notre capacité à nous de juste faire abstraction de tout ça, de laisser couler, puis de dire ben ça sera pas un irritant pour moi parce que exactement, je veux surtout pas que ça me dérange. Hein. Ouais. Ben Marianne, bravo, puis on est bien content que le patinage de vitesse sur courte piste recommence et on se reparle tout au long de l'année. Parfait, merci Daniel. Patineuse de vitesse, Marianne Saint-Gelais.